d'un vol silencieux. Le grand cheval soufflant de ses naseaux et élargis l'air qui fume. Les emporte avec un frémissement de pluie à travers la nuit et les terres étoilées. Ils vont. L'Afrique plonge au gouffre flagellé, puis l'Asie, un désert. Le Liban, Saint de Brousse. Et voici qu'apparaît, toute blanche d'écume, la mer mystérieuse va sombrer, et le vent gonfle ainsi que deux immenses voiles, les ailes. Volant d'étoiles en étoiles, aux amants enlacés font un tiède berceau, tandis que l'œil au ciel où palpite leur ils voient irradiant du bélier au verseau.